to be the noise. He's a God on me. Yeah. He's a God on me. Merci. Les kilos de C sont remontés, le pilon, la peau sont remontés, même les cadets sont remontés, toutes les bretelles sont remontées. Ah, la remontada. Ce soir c'est la remontada. Ce soir ton équipe est démontée, je ne comprends pas, j'ai les menottes. Là le réseau est démantelé, y a les favos sur le rendé. Chaud, chaud, chaud, je vois que les voisins bâtards se sont mêlés. Chaud, chaud, chaud. C'est le bénéf aujourd'hui qu'ils ont scellé. Pour le vélo, on peut mettre des douilles. On risque nos vies pour le vélo. On veut tous la médaille. Aujourd'hui le four à midi, les Yanglis viennent à midi. Aujourd'hui le four à midi, les Yanglis viennent à midi. Ramène la masse, y'a de la taupe en masse. On fait pas de manière crânien, sera le massacre. Les kilos de C sont remontés, le pilon, la peau sont remontés. Même les cadets sont remontés, toutes les bretelles sont remontées. Ah, la remontada. Ce soir c'est la remontada. Les kilos de C sont remontés, le pilon, la peau sont remontés. Même les cadets sont remontés, toutes les bretelles sont remontées. Ah, la remontada. Ce soir c'est la remontada. On a mis les crampons, pas les patins. Sur le terrain sans menottes. Si les feux que veulent m'attaquer, passe mon jambe virgule sans m'arrêter. Attaquer, son bras gauche, attaquer.